La prière, par Léon Tolstoï. Non, non, non, cela ne peut pas être. Ne pouvez-vous donc rien, docteur? Pourquoi vous taisez-vous tous? Ainsi parlait la jeune mère, sortant à grands pas énergiques de la chambre où se mourait d'hydrocéphalie son fils unique âgé de 3 ans. Son mari et le docteur, qui parlaient bas entre eux, se turent. Le mari s'approcha timidement d'elle, caressa doucement ses cheveux ébouriffés et soupira douloureusement. L'attitude immobile et silencieuse du docteur signifiait clairement qu'il n'y avait aucun espoir. « Que faire ? » dit le mari. « Que faire, ma chérie ? » « Tais-toi, tais-toi » s'écria-t-elle avec amertume et sur un ton de reproche. Puis, se retournant vivement, elle se dirigea vers la chambre de l'enfant. Son mari voulut la retenir. « N'y va pas, Catherine !» Elle, sans répondre, le regarda de ses grands yeux fatigués et entra. La tête appuyée sur un coussin blanc, le petit garçon était couché sur les bras de sa bonne. Ses yeux étaient ouverts, mais semblait ne rien voir. Une légère écume moussait à ses lèvres closes. La bonne, le visage gras et sévère, regardait dans le vague par-dessus la tête de l'enfant, et quand la mère s'approcha pour le prendre, « Il se meurt !» murmura doucement la bonne en l'écartant. Sans l'écouter, la mère d'un geste adroit et coutumier glissa son bras sous le corps du petit et le prit. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-elle. Puis, d'un mouvement vif mais prudent, elle rendit l'enfant la bonne et sortit de la chambre. L'enfant était malade depuis 15 jours. La mère passait du désespoir à l'espérance. À peine dormait-elle 1 heure et demie par jour. Elle entrait plusieurs fois dans sa chambre, s'arrêtait devant une grande image du Christ et le suppliait de sauver son petit garçon. L'image représentait un Christ à figure noircie par le temps, tenant dans sa petite main, également noircie, un livre d'or sur lequel étaient gravés en lettres noires les paroles de l'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous soulagerai. » Debout devant cette image, elle priait avec toute l'ardeur de son âme, et quoiqu'elle sentît tout en priant que la montagne ne bougerait pas et que Dieu ne l'exaucerait pas, mais agirait selon sa volonté, elle priait quand même. Elle récitait les prières usuelles, en inventait de nouvelles, qu'elle disait tout haut avec une intonation particulière. Maintenant qu'elle avait compris qu'il était mort, elle sentait un vide dans sa tête et quelque chose qui se déchirait en elle. Tout vacillait, tout croulait. Elle entra dans sa chambre, regarda avec étonnement les objets familiers qu'elle semblait ne plus reconnaître, s'étendit sur son lit, posa la tête non sur l'oreiller, mais sur la robe de chambre pliée de son mari, et perdit connaissance. Et voilà que son petit Kostia lui apparaît en rêve. Il est joyeux, bien portant, ses boucles soyeuses retombent sur son joli cou délicat et blanc. Il est assis sur sa jolie petite chaise, agitant ses gros mollets, ses tout petits pieds. Il amonce ses lèvres roses dans une moue attentive et fait de grands efforts pour asseoir une poupée sur le dos troué d'un cheval à 3 pieds. Quel bonheur qu'il soit vivant, pense la mère, et quelle cruauté qu'il soit mort. Comment ce Dieu, que j'ai tant imploré, a-t-il pu vouloir qu'il mourût? Et pourquoi Dieu a-t-il besoin de faire cela? Gênait-il quelqu'un? Dieu ignore-t-il donc qu'il est toute ma vie, que je ne peux pas vivre sans lui? Me l'arracher, me le prendre pour le torturer, ce malheureux petit être, ce cher innocent, briser ma vie, répondre à toutes mes prières en éteignant ses yeux, en raidissant et en glaçant ce petit corps. Elle le revoit encore. Il est tout petit, dans une porte toute grande. Il agite ses petites mains comme s'il était déjà grand. Il la regarde, il sourit. Chérie, c'est donc lui que Dieu voulait tourmenter et tuer. À quoi bon alors prier un Dieu capable de telle cruauté? Et voilà que la mère aperçoit au fond d'un cabinet de restaurant vivement éclairé, au coin d'une table couverte des restes d'un copieux souper, un homme empâté et ridé, affectant sous sa moustache frisée un air de fausse jeunesse. Il est profondément enfoui dans de moelleux coussins. Ses yeux lourds d'ivresse contemplent lubriquement une femme dépravée et maquillée au cou blanc, gras et nu. Encouragé par le rire d'un autre semblable, il répète d'une voix avinée des plaisanteries inconvenantes. « Mensonge, ce n'est pas lui, ce n'est pas mon Kostia !» s'écrie la mère épouvantée en regardant l'odieux vieillard, qui lui est d'autant plus odieux que dans ses yeux et sa bouche, il y a quelque ressemblance avec Kostia. « C'est bien que ce ne soit qu'un rêve, » pense-t-elle. « Voilà le véritable Kostia !» Elle le voit blanc et potelé, assis dans une baignoire. Il rit en frappant l'eau de ses petites jambes. Il baise le bras maternel, nu jusqu'au coude, et ne sachant quoi faire de mieux pour exprimer sa tendresse enfantine, il mord ce bras aimé. « Oui, c'est bien lui, mon Kostia, et non cet horrible vieillard. » se dit-elle. Et se réveillant à ces paroles, elle comprend avec terreur la réalité sans issue. Mais, tout à coup, Matrescha, la fillette qui sert d'aide à la bonne, se met à proférer d'étranges paroles. La mère sait bien que c'est Matrescha, mais tout en étant Matrescha, c'est aussi un ange. Pourquoi n'a-t-elle pas d'elle si elle est un ange? Pense la mère. Elle se souvient pourtant que quelqu'un, elle ne sait plus qui, mais quelqu'un de confiance, disait que les anges n'ont plus d'elle maintenant. Et l'ange Matrescha dit « Vous avez tort de vous irriter contre Dieu, madame. Il lui est impossible de contenter tout le monde, car les prières des uns nuisent souvent au bien-être des autres. Jugez vous-même. D'un bout à l'autre de la Russie, des hommes invoquent Dieu. Et quels hommes? Des moines, des évêques, dans les cathédrales, au pied des sépultures des saints et auprès des reliques. Tous conjurent Dieu de vaincre les Japonais. Est-ce une bonne action? Dieu ne peut les entendre et personne n'a le droit de l'implorer ainsi. Les Japonais, de leur côté, le supplient de leur accorder la victoire. Que doit-il faire, étant notre père à tous? Que doit-il faire, madame? » Oui, c'est vrai. Il y a longtemps qu'on l'a dit, Voltaire lui-même. Tout le monde le sait, tout le monde le répète. Mais ma prière à moi est différente. Pourquoi ne veut-il pas l'exaucer? Puisqu'en le priant de ne pas faire mourir mon petit garçon, je ne lui demande rien d'injuste. Je ne puis vivre sans lui, dit la mère, en sentant les petits bras enlacer son cou et le petit corps chaud contre son corps. Quel bonheur que cela ne soit pas arrivé, pense-t-elle. Ce n'est pas tout, insiste Matrescha, avec son manque de logique ordinaire. Il arrive souvent qu'une prière unique ne puisse être exaucée. Je le sais sûrement puisque je vous le dis, reprend l'ange Matrescha de cette même voix avec laquelle elle disait hier à la bonne. Madame m'a envoyé appeler monsieur, et je sais que monsieur est chez lui puisque je l'ai dit. Que de fois il m'est arrivé d'annoncer que quelques braves hommes, parmi les jeunes surtout, supplient de l'aider à ne plus commettre de mauvaises actions, à ne plus s'enivrer, à ne plus s'adonner à la débauche, à se débarrasser du vice comme d'une épine. Comme Matrescha parle pourtant bien, pense la mère. Mais il est impossible à Dieu de l'aider, car il est nécessaire que chacun fasse des efforts, et ce n'est qu'en s'efforçant qu'on arrive au bonheur. C'est bien vous, madame, qui m'avez fait lire un jour la fable de la poule noire. La fable disait qu'une poule noire, à laquelle un petit garçon avait sauvé la vie, lui avait donné un grain de chanvre pour récompense. Le grain étant magique, le petit garçon n'avait plus besoin de s'appliquer à ses études. Il savait tout. Or, il arriva qu'à force de ne rien faire, le petit garçon perdit complètement la mémoire. Dieu ne peut pas chasser le mal. Les hommes doivent s'efforcer de s'y soustraire eux-mêmes. Où a-t-elle appris ces paroles? Pense la mère. Cependant, Matrescha, tu ne réponds toujours pas à ma question. Laissez-moi le temps et je vous dirai tout, reprend Matrescha. Il m'arrive aussi d'annoncer à Dieu que des gens ruinés par la faute d'autrui souffrent et pleurent. Qu'une misérable mansarde remplace les belles chambres de jadis, qu'on y manque même de thé et qu'on invoque la pitié divine. Mais Dieu ne peut pas les exaucer, car il sait que la misère doit servir au perfectionnement moral. Ils ne le comprennent pas, tandis que lui, notre père, sait bien que la richesse les aurait fichus dans la corruption. C'est vrai, pense la mère. Mais pourquoi s'exprime-t-elle si vulgairement en parlant de Dieu? Fichu, comme c'est mal. Je lui offrai l'observation à la première occasion. Mais ce n'est pas toujours ce que je te demande, ajoute la mère. Je demande pourquoi ton Dieu voulait m'enlever mon petit garçon. Et la mère revoit son petit Kostia. Il est vivant, et elle entend son joli rire argentin. Pourquoi me l'a-t-on pris? Un Dieu capable d'une telle action n'est qu'un Dieu cruel et inutile que je ne veux pas connaître. Mais qu'est-ce donc? Matrescha n'est plus Matrescha, mais un être nouveau, étrange et vague. Et ce n'est plus une voix qui parle, mais un sens subtil qui verse des paroles inconnues dans le cœur maternel. Pauvre créature aveugle, insolente et orgueilleuse. Tu vois ton enfant tel qu'il était il y a une semaine, avec ses petits membres élastiques et robustes, avec ses longues boucles soyeuses, avec son doux et naïf babil plein de bon sens. Mais fut-il toujours tel? Il fut un temps où tu te réjouissais s'il savait reconnaître ses proches et dire « maman ». Puis tu étais heureuse lorsque, se levant sur ses petits pieds et vacillant un peu, il accourait vers ta chaise. Et au début de sa vie, comme vous vous réjouissiez tous, lorsque pareil à un petit animal, il rampait tout le long du salon et vous souriez en le voyant relever sa petite tête si fragile. Et comme vous étiez joyeuse, lorsque de ses petites mâchoires édentées, il serrait si fort le biberon. Et enfin, quel ravissement! Lorsque, tenant tout sanglant à tes entrailles, il remplissait d'air ses petits poumons en poussant des cris plaintifs. Mais où était-il donc un an plus tôt, alors qu'il n'était pas encore parmi vous? Vous croyez que vous demeurez toujours tous les mêmes, que vous et ceux que vous aimez, vous devez toujours rester semblables à ce que vous êtes, et cependant, personne de vous ne s'arrête un instant. Vous fuyez comme le fleuve et vous roulez comme la pierre, vous allez au gouffre, à la mort, qui vous attend, tous, tôt ou tard. Comment ne comprends-tu donc pas que de rien, devenu ce qu'il était, il ne se serait pas arrêté, et ne serait pas un instant demeuré tel qu'il était en mourant? De nourrisson, enfant, d'enfant, écolier, d'écolier, jeune homme, il serait homme mûr, homme vieillissant, vieillard. Tu ignores ce qu'il en serait advenu s'il avait vécu, et moi, je le sais. La mère reprend ses sens et entre dans la chambre de l'enfant. La bonne a terminé la toilette mortuaire. Le petit nez s'est aminci, a pris une teinte de cire. Les jolies fossettes aux narines sont toujours là. Les cheveux sont relevés et aplatis au-dessus du front. Le petit mort repose sur un catafalque. Des cierges brûlent autour de lui. Des jacinthes blanches, roses et lilas sont posées sur une table auprès de sa tête. La bonne quitte sa chaise, avance les lèvres, relève les sourcils et regarde la petite figure immobile. Matrécha entre par une porte faisant face à la mère. Sa figure est simple et bonne comme d'habitude. Mais ses yeux sont gros de larmes. « Pourquoi pleure-t-elle ? » pense la mère, puisqu'elle m'a dit qu'on n'avait pas le droit de se désoler. Et elle regarde son petit garçon. Saisie et repoussée par la hideuse ressemblance de la petite figure, avec cette face de vieillard qu'elle avait vue en rêve, elle s'efforce de chasser cette pensée, ce signe, pose ses lèvres chaudes sur le petit front de cire, puis elle baise les petites mains froides et croisées, tandis que le parfum des jacinthes semble lui apprendre quelque chose de nouveau sur la mort irrémédiable. Les sanglots l'étouffent. Elle baise encore une fois le petit front et pleure pour la première fois. Elle pleure. Mais ses larmes ne sont plus désespérées. Elles sont humbles et soumises. Elle souffre, mais ne se plaint pas, ne se révolte plus. Elle sait que ce qui est, doit être, et est juste. « Pleurer est un péché, madame, » dit la bonne, et s'approchant du petit mort, elle essuie avec un mouchoir plié les larmes de la mère sur le front de cire de Kostia. Les larmes oppressent sa petite âme. Ange sans péché, il est heureux maintenant. Qui sait ce qu'il en serait advenu s'il avait vécu? C'est vrai, et pourtant quelle douleur, répond la mère. Ainsi s'achève la prière de Léon Tolstoï.